Chapitre 9e. Ainsi que l'a dit Jean de Fer, sortir de ce dédale n'est point une entreprise facile. Deux empêchements surgissent tout d'abord. Retrouver le chemin de la façade, et ensuite le jalonner au fur et à mesure, de manière à pouvoir revenir au terrier du raton. Si la sortie et l'entrée de chaque chambre se correspondaient en ligne directe, la chose serait élémentaire. Le prolongement de l'une par l'autre formerait une sorte d'avenue qu'il suffirait de suivre de bout en bout. Mais tel n'est pas le cas, et les constructeurs de l'étrange cité semblent avoir multiplié comme à plaisir les difficultés de l'accès. Imaginez une de ces questions compliquées présentées par les journaux illustrés à l'ingénieuse sagacité des lecteurs. C'est une figure très entremêlée, avec des voies qui s'enchevêtrent, reviennent au point de départ, aboutissent à des cul-de-sac, puis s'amorcent en un point perdu, retournent, reviennent encore, s'interrompent de nouveau pour se reperdre et se reprendre. Sur le papier, c'est énervant. Dans la réalité, c'est un supplice. Veuillez vous rappeler, à ce sujet, le labyrinthe de glace dans la section de l'optique à l'exposition universelle de 1900. Toute proportion gardée, le problème est le même pour Jean et Joey, avec toutefois cette circonstance terrible qu'il représente la réalité avec pour enjeu la fortune, la vengeance, l'honneur et la vie. Il cherche des moyens et n'en trouve que des mauvais ou d'insuffisants. « Dis donc, frère, propose Joey, si je traçais avec mon machette une ligne au faîte de chaque porte ?»« Essaye, » répond Jean agacé, « mais c'est à peine si l'acier peut rayer la rude paroi. » Tendre et friable au moment de la construction, la pierre s'est durcie au contact séculaire de l'atmosphère. « Nous n'en finirons pas, » s'écrie le métis tout dépité. « Et puis quelle peine, pour apercevoir cette ligne presque invisible ?»« Il faut pourtant trouver quelques moyens, » dit Jean qui tient sa torche élevée pour éclairer cette besogne inutile. Machinalement, il redresse la tête et dit « Ça y est, le hasard fait bien les choses. Quoi donc ?» Du doigt, il montre, sur la roche grisâtre, la tache noire produite par la combustion du bois résineux. Joey comprend et s'écrie, joyeux, « Ça, c'est une idée lumineuse, c'est bien le cas de le dire. Oui, lumineuse et surtout pratique. Parbleu, il suffit d'approcher la flamme du linteau de chaque porte, d'y coller ainsi une plaque de noir de fumée, ce qui constitue une marque adhérente, rapide et visible. » Et d'avancer pas à pas vers la façade en marquant toutes les entrées et toutes les sorties. Allons-y. Alors commence l'exaspérante course dans le labyrinthe. Faux départ, retours imprévus, croisement de la première piste, doublement de la voie, arrivée au fond d'une impasse, nouveau retour vers la vraie piste, suppression du signe devenu inutile, c'est à perdre la tête. Suffoqué, trempé de sueur, courbaturé, les deux amis se demandent s'ils vont pouvoir en sortir. Tant pour l'aller que pour le retour, il joue ainsi à cache-cache depuis trois longues heures. Brusquement, un pan d'azur leur apparaît devant une ouverture carrée, c'est l'entrée. Un cri de joie leur échappe. Ah, de l'air, de la lumière, et de la liberté. Ils éteignent leur torche et regardent par la fenêtre. Rien de suspect aux environs. Ils recommencent la manœuvre de l'échelle, descendent avec précaution d'étage en étage et atteignent le sol. Ils s'en vont sans retard, chercher les fourniments cachés par Joey quand il traversa le torrent, et reviennent, portant leur vadémécum de voyageurs. Provisions, armes, munitions, sans oublier la baramine, la clé du trésor. Il leur faut de l'eau, car toutes ces manœuvres provoquent une soif intense. Par bonheur, la cascade est là, toute proche, invisible et grondante, mais accessible par le soupirail. Ils y emplissent leurs outres contenant chacune 6 à 7 litres, puis font de tous leurs menus objets de l'eau, chaque lot étant pacté dans un zarape noué aux quatre coins. Jean monte le premier, après avoir attaché à sa ceinture le bout de son lasso. La cordelette de cuir étant très longue, l'autre extrémité reste sur le sol. Joey y attache un paquet. Arrivé au second étage, le jeune homme enlève le ballot. « Hisse là, oh, hisse, et en douceur. Maintenant, à l'autre. » C'est ensuite l'échelle qu'il faut descendre pour que Joey puisse remonter à son tour. Cela n'en finit pas, et l'impatience de Jean s'exaspère de toutes ces complications. Enfin, l'emménagement est terminé. Joey a rejoint son ami, et l'échelle a repris son poste entre le premier étage et le second. Sans plus tarder, sans même prendre le temps de manger, ils repartent pour la chambre où se trouve l'entrée du trésor. La fièvre les soutient, les pousse, les exalte. La provision de bois de côté est abondante, et la lumière ne leur manquera pas. C'est là, d'ailleurs, la chose essentielle. Grâce aux taches de noir de fumée qui jalonnent la route, ils atteignent sans fatigue ni perte de temps le terrier du raton. Armé de l'instrument d'acier, Jean se rue sans tarder à la besogne. Il attaque l'orifice avec une vigueur à laquelle se mêle une sorte d'exaspération contre l'inertie de ce requin destructible. Tout d'abord, il ne fait rien qui vaille. À peine s'il arrache quelques minces fragments qui jaillissent avec des gerbes d'étincelles. Et Joey, qui l'éclaire avec la torche, se dépite en voyant que la besogne n'avance pas. « Canaille ! » jure-t-il. « Nous en aurons pour un mois. Et ce maudit rocher usera auparavant ta baramine comme un manche à balai. Mille tonnerres ! Nous sommes des idiots. Nous aurions dû apporter de la dynamite. » Cependant, il y a, mêlé au roc, des parcelles qui se détachent avec facilité. C'est une sorte de ciment rougeâtre entourant la bouche du terrier, et Jean, se baissant pour l'examiner de plus près, s'écrie étonné. « Mais il y a une dalle !»« Tiens, Joey, regarde donc. Le ciment l'entoure de quatre côtés, mais un des angles a été cassé. Puis, le morceau, très large, a été remplacé par ce ciment d'origine toute récente. « Je devine !» répond Joey triomphant. « Tout cela l'ouvrage de ton père. Il a dû faire sauter ce coin de dalle pour pénétrer dans la chambre du trésor. Puis, en partant, il a bouché ce trou avec du ciment sans doute fabriqué sur place. Oui, c'est bien cela. Et je me dis, quelle vigueur, quelle ingéniosité, en songeant qu'il était seul, pour accomplir cette besogne écrasante. » Au moment où il prononçait ces paroles attendries, la barre d'acier pénètre dans une fissure. Jean, qui sent de la résistance, raidit sa puissante musculature. Quelque chose a cédé. Il y a un craquement. Jean s'arc-boute, les muscles tendus à se rompre. La sueur coule à flot sur sa figure. Il donne un effort furieux. Mille tonnerres. Sous l'impulsion d'une violence inouïe donnée à la barre, l'obstacle s'écroule. Et du même coup, Jean s'étale de son long sur la dalle. Mais le bloc de ciment désarticulé jaillit de son alvéole et roule jusque sur les pieds de Joey stupéfait. À la place de ce tampon, il y a une ouverture mesurant au moins 50 cm de diamètre. Jean se relève et pousse un hurlement de triomphe. Le passage est ouvert. Le trésor est à nous. Il ramasse un morceau de côté, l'allume à la torche de Joey, puis le lance à toute volée dans le trou. La flamme ne s'éteint pas. On peut donc y respirer. Allons-y, je passe le premier. Il s'engage les pieds en avant dans l'ouverture, s'écorche aux aspérités, s'allonge et finit par pénétrer dans une vaste salle. Elle ne mesure guère que 2 mètres de hauteur, mais se prolonge au loin dans l'obscurité. Il ramasse la torche et appelle Joey. Sa voix résonne, toute changée, rauque, tremblante. « Frère, vite, viens vite, c'est prodigieux, ma tête se perd, je deviens fou !» Le métis, en toute hâte, se glisse agilement par le trou. Il voit Jean tout pâle sous les lueurs pourprées de la torche. Regarde autour de lui et fait simplement « Hein ? C'est cela le trésor ?» À vrai dire, il éprouve une désillusion. Ce trésor colossal, ce fabuleux amador, ces richesses incalculables qui firent tant de dupes et tant de martyrs, en un mot, la réalisation de cette légende qui berça, enfiévra et déçut des générations, tout cela le laisse froid. C'est que l'or n'a de valeur que par les choses qu'il procure. Et les idées de Joey, ses besoins les plus grands, ses désirs les plus impérieux, ses convoitises les plus ardentes, tout cela est d'une simplicité enfantine. Jean, qui a couru le monde, qui connaît la civilisation, le gouffre insondable de ses appétits, s'étonne de le voir ainsi déconcerté, se battant les flancs, pour susciter un enthousiasme absolument réfractaire. « Voyons, frère, lui dit-il, les yeux luisants, la face contractée, regarde donc tout cela. Ces amas de pépites énormes, ces monceaux de grains, ces tas de poudre, et ces lingots empilés comme des briques. Sais-tu bien que ces coffres de bois brut, assemblés à la diable et chevillés d'or, contiennent chacun une fortune ? Les coffres, admirablement conservés, sont rangés sur 2 fils parallèles et séparés par un espace de 2 mètres. Et Jean, la torche à la main, fiévreux, tremblant, exorbité, compte, d'une voix qui s'enroue. 1, 2, 3, 4, 5. Il va, comptant toujours, se grisant de chiffres et perdant de plus en plus la tête devant l'affolante réalité. 28, 29, 30. Il y en a 30. Et chacun renferme au bas mot 1 000 kilogrammes d'or massif. 3 millions. Au total, plus de 90 millions de francs. Joey, qui écoute et regarde, échappe toujours à cette griserie. C'est que l'or natif est loin d'avoir cet aspect fascinateur de l'or monnayé, surtout de l'or transformé en merveille d'art ou d'industrie. L'or natif est terne, sans reflet, comme en fumée. La poudre est dure, sèche, rugueuse. Les grains sont irréguliers, informes, anfractueux. Les pépites sont brutes, lourdes et raboteuses. Ce métal n'a rien qui charme ou seulement attire l'œil. Et l'émotion foudroyante, la fièvre intense qu'il provoque chez le mineur, est plutôt symbolique, ou, si vous aimez mieux, réflexe, étant causés l'une et l'autre par la suggestion de tout ce qu'il représente, joie, espoir, orgueil, satiété. Joey répond alors de sa voix étrangement calme. « Tu sais, frère, je suis heureux de ta joie. Ton bonheur est le mien. Quant à moi, il me suffit d'un bon cheval, avec ma carabine, le grand soleil, l'espace infini. » Mais Jean ne l'entend pas. Il va, vient, regarde, admire, s'extasie, gesticule et de nouveau s'arrête. Un cri plus vibrant lui échappe. Tout à l'heure, c'était la convoitise enfin satisfaite. À présent, c'est l'admiration. Il vient d'apercevoir une dernière caisse plus petite que les autres et jusqu'alors invisible dans la pénombre. Au fond de cette caisse, et sur le bois noirâtre formant écrin, des gemmes de toutes sortes scintillent avec un éclat aveuglant. Diamants, saphirs, topazes, rubis, émeraudes, grenats, turquoises, opales, améthystes, il y en a des milliers et des milliers, jetés là en tas, dans le plus imprévu et le plus opulent des désordres. Beaucoup de pierres, toutes magnifiques, sont restées à l'état brut. Mais un certain nombre ont été travaillées par les Indiens, qui semblent avoir été d'habiles joailliers. Elles sont taillées avec un art et un goût exquis, notamment certaines émeraudes. Elles ont certainement la même origine que celle dont Fernand Cortés refusa de se dessaisir en faveur de Charles Quint lui-même. Elles peuvent rivaliser avec elles d'éclat et de beauté. Machinalement et de sa main libre, Jean de Fer en prend des poignées qu'il laisse retomber doucement et fait ruisseler en cascatelles de feu sous la lueur de sa torche. Puis, brusquement, son exaltation tombe. Son père. Le souvenir du martyr traverse comme un trait de feu son cerveau et fait battre son cœur. 18 ans auparavant, le père de Jean, proscrit, malheureux, calomnié, sentit la même fièvre bouillonner en lui. La fortune lui arrivait, formidable. Les mêmes espoirs exaltaient son âme quand ses doigts se crispaient sur les pierreries des anciens maîtres de la race rouge. « Père, » dit-il d'une voix tendrie, « Père, pardon d'avoir cédé à cette fascination si naturelle et si humaine. Jusqu'à présent, j'ai méprisé la richesse. » Et si j'éprouvais ce moment de folie en retrouvant ce trésor que ta vaillance et ta tendresse avaient rêvé pour nous, c'est parce qu'il me permet d'achever ton œuvre. Oui, avec cet or, je laverai ta mémoire de l'opprobre immérité. Je vengerai ta mort et je rendrai au nom de Valdès l'honneur que d'infâmes calomniateurs lui ont arraché. Bien cela, frère, dit Joey, l'œil humide, la voix tremblante. Je comprends de cette façon l'usage de la richesse, et le trésor ainsi considéré me communique ta fièvre. « À présent, qu'allons-nous faire ?»« Ce que fit mon père il y a 18 ans, c'est-à-dire emporter des pierreries et un peu d'or. Les pierres précieuses ont cet avantage de représenter sous un faible volume des sommes considérables. Entendu, compris. » Ils prennent au hasard des poignées de gemmes et les répartissent dans leurs poches de mineurs placées sur la poitrine et dans leur ceinture. Cela fait, ils bouchent, le mieux qu'ils peuvent, l'entrée du trésor avec les débris et s'en vont en emportant le cadavre du raton. Grâce aux indications fournies par l'étage de fumée, ce retour s'effectue rapidement. Pendant ce temps, Jean de Fer a déjà tracé son plan. Avant même de descendre, il arrête Joey puis lui dit « Frère, j'ai à te faire sans retard une communication importante. On ne sait ni qui meurt ni qui vit, et il peut m'arriver malheur. Bah, des histoires. Tu es taillé pour vivre 100 ans. Je l'espère bien, mais écoute-moi tout de même. » Il faut enlever au plus vite et mettre en lieu sûr le trésor, et cela ne sera pas facile. Constatons d'abord que j'ai fait une sottise, en refusant le concours d'élan rapide et de ses Indiens. Nombreux, intrépides et fidèles, ils eussent été des auxiliaires puissants et des gardiens incorruptibles. C'est juste. Il est donc urgent de les retrouver et de réunir tous leurs clans, chose que nous allons exécuter sans retard. Peut-être devras-tu rester ici avec eux, nous verrons. Quant à moi, je prendrai dardard le chemin de fer pour Mexico. Je vendrai une partie des pierreries, j'achèterai des chariots légers et solides avec des mules en quantité suffisante. J'emplirai les chariots de vivres et j'expédierai le tout par wagon jusqu'à la station la plus rapprochée d'ici, Mapimi au Péronal. Les chariots, chargés de provisions, viendront ici prendre l'or gardé par les Indiens. Puis, nos braves Peaux-Rouges escorteront tant qu'il en sera besoin le précieux convoi. Tout cela doit s'accomplir dans le plus profond secret et avec une rapidité foudroyante. Oui, frère, surtout le plus profond secret. Tu n'as rien à m'objecter ? Non, frère, absolument rien. Ton projet me semble raisonnable, et nous le mûrirons en galopant à la recherche des Peaux-Rouges. C'est parfait, descendons. Il commence par culbuter le raton et lentement, posément, regagne le sol au moyen de l'échelle. À présent, dit Joey, il s'agit de faire disparaître jusqu'au moindre vestige de notre passage. Oui, c'est essentiel. Dussions-nous y employer 2 journées entières? D'abord l'échelle. On pourrait la brûler et semer les cendres, mais c'est trop long. Et puis, il y a la fumée. Jean préfère la démolir, couper les montants et jeter les morceaux dans le gouffre formé par la cascade intérieure. Cela fait, il recherche, avec une ténacité de Peaux-Rouges, les feuilles de bambou, les brindilles et les copeaux, recueille un à un les débris et les envoie rejoindre l'échelle. Maintenant, il s'occupe d'effacer toutes les traces de leurs pas. C'est une besogne interminable, ingrate et horriblement difficile, car il faut procéder à reculons et restituer au sol sa physionomie primitive. Il s'en acquitte avec une habileté sans égale, et déjà il se félicite d'opérer si vite et si bien, quand Jean, courbé sur le sol, se redresse comme s'il mettait la main sur un serpent corail. Ses joues deviennent d'une pâleur affreuse et un râle étouffé jaillit de sa gorge. Son doigt crispé montre à terre quelque chose, là, tout près, juste entre les 2 trous formés par les montants de l'échelle. Joey s'approche, interdit, regarde, et pâlit à son tour comme s'il allait défaillir. Il pousse un juron de fureur et s'écrie « le pied nu !» Que Satan fusille l'âme de son propriétaire. Oui, c'est bien l'empreinte que je reconnaîtrai entre 1000, dit Jean, atterré, malgré sa vaillance éprouvée. L'empreinte laissée par le pied nu du maudit qui voulut m'assassiner là-bas, à Jacalito, quand Mamita nous parlait. Ainsi, il a pu venir jusqu'ici, pendant que nous étions là-haut, nous espionner, peut-être nous entendre, et s'enfuir sans que nous ayons pu l'apercevoir. Nous ne sommes plus seuls. Nos précautions deviennent inutiles, et le secret du trésor appartient à l'ennemi. Mais qui, cet ennemi, ma parole? Je donnerai un de mes bras pour le connaître. Tout bien réfléchi, ce misérable ne peut être que le possesseur du plan volé, le fils de celui qui assassina mon père. Andrés? Oui, Andrés, notre mauvais génie à tous.